sont retournés chez eux ce vendredi. Ce retour a été facilité par l'ombudsman burundais. Néanmoins, ces habitants doivent éviter toute collaboration ou approvisionnement des malfaiteurs. Une autre mesure prise, c'est qu'aucune activité ne sera plus réalisée dans cette réserve protégée. Spes Caritas Kavanyana. Après la descente de l'ombudsman burundais à Buringa, dans la commune de Gihanga ce mercredi, ont été rassemblées environ 2000 personnes expulsées de chez elles à Kagaragara. Une commission pour analyser ce problème a été mise en place dans les médias. Elle était composée des responsables administratifs de Bubanza, des responsables du ministère de l'Environnement, de l'ombudsman burundais et des représentants de ces populations de Kagaragara. Un comité mixte de sécurité a été mis en place ce jeudi dans cette localité, puisque ces personnes sont accusés de complicité et de connivence avec les malfaiteurs, comme le précise Ndiho Jérôme, qui avait représenté l'ombudsman burundais. Ceux qui représentaient l'État reprochaient aux populations de déborder au niveau des cultures et même pour chercher du bois, ils débordaient dans les réserves naturelles protégées par la loi. Et deuxièmement, c'était le problème que les infiltrés qui viennent attaquer l'État se cachaient parmi eux. Il a été convenu entre les deux parties que de rien avant et à partir d'hier, donc aujourd'hui ils vont continuer dans les jours qui viennent, de mettre en place un comité mixte de sécurité. Et ce comité mixte de sécurité, il est chargé de faire ce que d'autres comités mixtes de sécurité font ailleurs dans le Burundi, c'est-à-dire veiller à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration des malfaiteurs qui viennent attaquer la République. Le consensus a été donc que ces populations retournent dans leur ménage, une mesure qui a été appliquée ce vendredi même. Ces personnes sont toutes rentrées à Kagaragara après une réunion avec les représentants de l'ombudsman, les représentants du ministère de l'Environnement et les autorités administratives. Elles étaient contentes et remercient toutes ceux qui les ont aidées d'une façon ou d'une autre. Nous sommes très contents de retourner chez nous, dans nos ménages. Nos enfants vont cette fois-ci dormir. Nous remercions les ONG qui nous ont aidés, la Croix-Rouge, l'ombudsman burundais. Nous leur sommes reconnaissants de nous laisser retourner chez nous. Le représentant de l'ombudsman burundais a également précisé que ces personnes doivent abandonner les cultures qui sont à l'intérieur de la réserve naturelle de la Rukoko et que personne ne peut exercer aucune activité dans cette réserve. C'est ce qu'a dit Kabanyana Ihanga, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Les ONG étrangères œuvrant sur le territoire burundais doivent respecter l'équilibre ethnique et genre lors des recrutements et payer une somme de $500 américains représentant les frais administratifs. Cela figure parmi les innovations faisant objet du projet de loi portant cadre général de coopération entre la République du Burundi et ses ONG. Analysé ce vendredi à l'Assemblée nationale, les députés, ce projet a été analysé donc par les députés qui ont montré leurs inquiétudes sur ces innovations, surtout que ces ONG étrangères peuvent arrêter d'exercer leurs activités au Burundi. Le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagué, a fait savoir qu'une ONG étrangère qui désire s'implanter au Burundi doit respecter la loi du pays en vigueur. Dorine Ndayirorere. Cette loi exposée par le ministre de l'Intérieur stipule que les ONG étrangères désirant s'installer et intervenir au Burundi doivent payer $500 américains représentant les frais administratifs. Cette loi dit également que le recrutement du personnel local doit se faire dans le respect des équilibres ethniques et genre, ce qui a suscité des inquiétudes au sein des uns des députés, notamment Simon Bidimungu qui a demandé le pourquoi. Mon inquiétude réside au point qui demande aux ONG de tenir compte de l'équilibre ethnique. La commission a même ajouté le genre lors des recrutements. Je me demande pourquoi on a beaucoup voulu tenir compte de ces ethnies. Pourtant, même dans les projets locaux ou au sein des entreprises para-étatiques, on n'en tient pas compte. Pourquoi alors faire ces exigences aux ONG? Sur cette question, le ministre Pascal Barandagué a fait savoir qu'il ne s'attendait pas que les députés auraient des avis contraires. Moi, je pense plutôt qu'il n'y aurait pas de députés qui ne veulent pas de cette décision parce que vous-même êtes là sur base des équilibres ethniques et du genre. Si on a voulu que ces ONG recrutent sur base ethnique et genre, c'est parce qu'on avait vu qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Nous ne serons pas à l'aise s'il y avait une ONG

Le gouvernement veille à ce que l'État burundais continue à survivre. Le bailleur est le bienvenu s'il veut retourner. Le nouveau projet du budget exercice 2017 prévoit les ressources intérieures à hauteur de 70%, tandis que 29% constituent les ressources extérieures. Merci Alain. Et ce projet de budget général pour l'exercice 2017 a été adopté à l'unanimité tout à l'heure par les sénateurs qui ont proposé d'accroître les recettes du trésor public. Didier Nyonzima. Après la présentation du contexte dans lequel le budget général de la République pour l'exercice 2017 a été élaboré, le ministre des Finances Domitien Diokoubgaio a précisé que la gestion austère doit être de rigueur et que cette gestion consistera à la mise en œuvre effective des réformes déjà engagées pour accroître le recouvrement des ressources internes ainsi que les ressources de porte. Ainsi, certains sénateurs ont exprimé leurs suggestions pour accroître les recettes du trésor public, en l'occurrence prélever les taxes de péage sur les grands accès routiers, l'usage de la machine électronique de facturation pour éviter la fuite du TVA. Dans cette optique d'accroître les recettes du trésor public, le deuxième vice-président du Sénat a demandé à ce que l'Aubert aide à prélever les taxes sur la bière de banane communément appelée Ugwagwa. Il reste de rehausser les taxes puisque c'est la source de revenus considérable. Je me demande s'il n'y aurait pas moyen de créer une taxe sur la bière de banane, la bière la plus préférée au Burundi. Les collecteurs au niveau des communes reçoivent cette bière de la part des vendeurs et laissent d'exiger la taxe. Il faut que l'Aubert vienne en aide aux communes pour percevoir la taxe sur la bière de banane. Le ministre des Finances a répondu que cette question mérite d'abord une étude. Quant au sénateur Jean-Marie Pascal Nsesema, qui a exposé son inquiétude sur le fait que l'État dépense beaucoup d'argent dans la location des locaux au lieu de construire ses propres locaux, le ministre des Finances, Domitien Diokoubgaio, a fait savoir qu'il n'y a pas de moyens pour construire ses locaux. La réponse est claire. La faiblesse de l'économie occasionne peu de recettes, mais le pays se retrouve dans beaucoup de besoins. Le gouvernement, considéré comme le père de la nation, essaie de disponibiliser les crédits équitables pour la survie. Vous avez soulevé la route Lumonge et bien d'autres. Nous devons d'abord parer au plus pressé pour pouvoir survivre. Ce projet de loi, qui est à hauteur de 1326 milliards, avec un surplus de 66 milliards par rapport au budget général pour l'exercice 2016, a été adopté par des sénateurs à l'unanimité. Merci Didier. Analyse maintenant dans l'indépendant, à savoir Faustin Dikoumana, président de l'organisation PARSEM. Il trouve que le budget de 2017 est un budget de crise. Et il estime que l'investissement aurait dû être mis à l'honneur pour assurer la croissance. Pour lui, des rapports sur le budget 2016 doivent être produits pour montrer comment l'argent a été utilisé. Si on analyse le budget qui va être voté, c'est un budget de crise qui ne consacre pas beaucoup de fois à l'investissement. Or, c'est l'investissement qui consacre la croissance économique. La référence au document de planification, en l'occurrence la vision et la CCRP, reste mince parce que ces documents ne sont pas en train de piloter la politique de développement. L'idée du budget, c'est un budget qui consacre l'investissement, qui consacre la croissance, les dépenses des ministères sociaux. Le temps consacré à l'analyse, à la discussion est insuffisant dans son contexte d'enjeu de crise. Les rapports antérieurs ne sont pas d'abord analysés pour voir si on est en train de corriger les dérapages antérieurs. Et aussi, savoir évaluer certaines politiques qui ont été instaurées. Où sont les manquements? C'est comme ça qu'on fait respecter la gestion de la chose publique. Faustin Dikoumana estime que l'instauration du service national de renseignement financier viendrait montrer la traçabilité des services des plus riches, des revenus des plus riches, afin qu'un simple citoyen puisse payer peu d'impôts. Encore une fois, Faustin Dikoumana. Et encore une fois, on lit une tendance toujours de faire recours à la taxation indirecte sur les biens et services de première nécessité qui ont un impact inflationniste direct. On dirait qu'il n'y a pas toujours cette volonté d'élargir constamment la tête fiscale. Et nous faisons référence sur le manque aujourd'hui d'instaurer la taxe sur la fortune. Cet enrichissement illicite qui est là, ces revenus qui s'extériorisent, qui ne sont pas taxés. De continuer à faire des taxes sur les services, alors qu'il y a des revenus qui ne sont pas taxés. Nous avons plaidé qu'on instaure le service national de l'enseignement financier pour faire la traçabilité des revenus des gens et pour parvenir à les imposer. En dehors de cette transparence,